l'histoire de l'homme n'a rien à voir avec être béni ou maudit. Son devoir est ce qu'il doit accomplir, sans salaire ni condition. Être béni, c'est jouir de la bénédiction. Après avoir été jugé et rendu parfait, être maudit signifie que celui qui ne change pas, son tempérament sera puni. Chacun doit accomplir son devoir, il doit faire ce qu'il peut, peu importe qui il soit, béni ou maudit. Cela fait de lui un suiveur, cela fait cela fait de lui un suiveur de Dieu. Vous ne devez pas faire votre devoir pour être béni, ni ne refuser par peur d'être maudit. Le devoir doit être accompli. Si vous échouez, vous êtes des rebelles. Être béni, c'est jouir de la bénédiction. Après avoir été jugé et rendu parfait, être maudit signifie que celui qui ne change pas, son tempérament sera puni. Chacun doit accomplir son devoir, il doit faire ce qu'il veut. Peu importe qui il soit, béni ou maudit, cela fait de lui un suiveur, cela fait de lui un suiveur de Dieu. Cela fait de lui un suiveur de Dieu.